Pourquoi faut-il lier sobriété et justice ? Un thème moral très profond depuis l'Antiquité dans la vie humaine est devenu aujourd'hui une préoccupation politique globale. C'est le thème de ce qu'on appelle dans le débat public la sobriété et qui rejoint dans la grande tradition de la philosophie morale des notions comme celle de modération ou de tempérance. La tempérance, la modération, la sobriété dans la tradition de la philosophie morale et notamment dans l'Antiquité, c'est quelque chose de très précis et de très simple. C'est le fait, en effet, de se restreindre soi-même dans l'exercice d'un désir qui potentiellement pourrait aller plus loin et même en quantité de plaisir qu'il pourrait nous procurer. Par exemple, nous avons de quoi manger autour de nous, mais délibérément, nous nous restreignons, nous faisons preuve de tempérance, à la fois pour des raisons internes, pour la santé de notre corps, pour des raisons externes, pour préserver cette ressource, autour de nous, et pour des raisons de principe, car l'infini, l'indéfini, l'illimité est peut-être la source d'un malheur moral, non seulement individuel et biologique en quelque sorte, mais aussi collectif et politique. Et justement, la façon dont la sobriété, aujourd'hui, face à la pénurie des ressources énergétiques, face aussi aux dangers qu'ont produit les excès, qu'a produit l'illimité de la technique ou du travail, même de la production dans le monde et des injustices aussi, cette sobriété prend aujourd'hui un sens profondément collectif, politique et précisément global. Il ne s'agit plus seulement de la tempérance individuelle qui est, il faut le rappeler, une des grandes vertus désignée par les Grecs, une capacité à se retenir qui est probablement l'une des plus hautes capacités humaines au même titre que le courage, mais il s'agit justement désormais d'un acte global qui vise à préserver l'humanité elle-même face à un risque commun. Dès lors, il y a une deuxième dimension de la sobriété aujourd'hui qui est inévitable. C'est que nous ne pouvons plus seulement être sobres individuellement. Par exemple, boire un peu mais pas trop. Il faut rappeler d'ailleurs que la sobriété, ça n'est pas l'interdiction. C'est la modération qui est toujours difficile. Boire un peu mais pas trop, c'est très bien. Mais pour la sobriété globale, il y a quelque chose de plus qui s'y ajoute. Pourquoi serais-je sobre? Si les autres sont dans l'excès illimité, si la cupidité est autorisée sans fin, si les injustices se prolongent, quand la sobriété devient globale, elle doit être partagée par tous, elle doit être liée à la justice, elle doit donc être instituée. Évidemment, il est difficile de revenir à des régulations après 40 ans de dérégulation, et pourtant, il y a comme une tempérance politique qui est aussi la condition d'une justice distributive et qui vient se relier à la tempérance et à la modération individuelle, car tous les philosophes l'ont bien compris, comme le disait Jean-Jacques Rousseau, celui qui veut séparer la morale et la politique ne comprendra rien à aucune des deux.